18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM, toute l'équipe de Convergence est là en ce samedi après-midi, 18h-19h, et l'équipe est réunie autour d'un invité de marque. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est Jibis qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi, de Tapage Nocturne, belle association lyonnaise qui fait bon nombre de soirées très investies dans Lyon et aux environs de Lyon. On est parti pour une bonne demi-heure, une grosse demi-heure de mix à Jibis, et on se retrouve tout de suite après. C'est parti, bonne écoute. Pressure.

Vous êtes sur Convergence et Croque Radio, c'est plutôt l'équipe de Convergence qui est ensemble cet après-midi et on accueille Gibis avec nous. Gibis de l'association Tapage Nocturne. Bonsoir, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va très bien. On est très très content de t'accueillir à la radio et on a plein de questions à te poser. Alors salut Gibis, bienvenue parmi nous. Merci pour ta présence ici. On va te poser quelques questions du coup. D'où viens-tu ? Depuis combien de temps tu fais de la musique ? Quel est ton parcours? Tu peux nous en dire plus? Alors, je vais le faire en condensé, parce que c'est un peu long. J'ai commencé la musique il y a une dizaine d'années. Adolescent, j'écoutais beaucoup d'électro à l'époque. C'était pas mal l'époque Headbanger, tout ça, au milieu des années 2000. Donc j'ai vraiment commencé là-dessus. Après, j'ai eu pas mal d'évolutions différentes. J'ai exploré vraiment la musique électro dans toutes ses largeurs. Et on va dire que là, plus récemment, depuis 5-6 ans, c'est vrai que je suis un peu plus sur un créneau techno et en compagnie aussi de mon association Tapage Nocturne, avec qui c'est une belle aventure depuis en fait les 6 ans en novembre. Voilà, donc c'est un petit peu le courant dans lequel je suis depuis quelques temps. Voilà. Super, super. D'où vient ta passion pour la musique? Quelles sont tes influences? Mon père a eu une boîte de nuit pendant 20 ans. Donc je pense que ça a dû jouer un peu sur ça aide, ouais. Sur l'électro. Bon après quand il a vendu sa boîte, c'est principalement les années 80-90, donc j'étais assez petit. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, je voyais le DJ j'avais le samedi après-midi dans la boîte avec le DJ qui recevait les vinyles à l'époque, parce que les vinyles se recevaient dans les boîtes de nuit et qui les essayait. Yes. Donc je pense qu'après, quand j'avais 15-16 ans, c'est peut-être des souvenirs qui me sont restés et puis qui m'ont motivé à faire du son. Voilà, puis après la musique c'est un bel échappatoire, quoi. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de rêver, de s'évader. Donc c'était vraiment tout ça qui m'a donné envie de faire de la musique au départ. Ok, super. Tu nous as préparé un petit morceau qu'on va écouter maintenant. Et puis après on reviendra dessus pour savoir comment ça représente pour toi. Ok, ça s'appelle Perk et Passarella. Need Passarella Death Squad. Du coup, titre, ouais, le titre c'est Temperatures Rising. C'est okay. Hyper dur à dire. Ouais, c'est, voilà. C'était un peu non, épique. Voilà. Du coup, que représente pour toi ce morceau quand tu l'as dit, quand l'as-tu découvert, dans quelles circonstances? Bah, écoute, c'est vrai que oula, alors il y a des gens qui boivent dans le studio. donc non, c'était un morceau. En fait, c'est super dur de choisir un morceau qu'on adore. Celui-là, j'y ai pensé parce que tu m'en as parlé cet après-midi d'avoir un track. Celui-là, j'y ai pensé parce que je l'ai rejoué la semaine dernière ou il y a deux semaines à Electrone Festival à la petite salle. Yes. Et ça faisait 3-4 ans que j'avais pas joué ce morceau. Parce que je l'ai beaucoup joué il y a longtemps, voilà, vers 2012-2013, et c'est un morceau qui m'a beaucoup suivi à l'époque du DV1 parce que je le passais tout le temps, parce que voilà, c'était vraiment un des morceaux phares que j'ai joué pendant plein de soirées au DV1 qui était resté. Et bah après, comme tous les morceaux, on s'en lasse un peu, et j'ai pris tellement de plaisir à le ressortir il y a deux semaines que voilà, du coup j'avais pensé à le passer. Et surtout, en plus, c'est un morceau qui est vraiment porté sur la voix. Et c'est ce qui fait toute son originalité. Et c'est vrai que dans la techno, on est beaucoup sur le côté instru, ouais, rythmique, etc. Donc là, c'est vrai qu'avoir une belle aération avec cette voix qui est assez folle, qui est très hypnotique. Voilà, c'est un track que j'aime beaucoup. Voilà. Yes. Bon, bah merci pour ce partage en tout cas. Bah, rien. Tu as joué sur Paris, Lyon, Nice, Marseille, Tunis et Madrid. Quel a été pour toi le lieu le plus magique? Alors c'est pareil, c'est toujours difficile de répondre. Cette année, ça a été Tunis qui était vraiment cool, parce que c'était la découverte d'un pays, de nouvelles personnes. Et puis en plus, c'est un pays qui est vraiment tout naissant sur la culture techno. Donc c'est vrai qu'il y avait une ambiance qui était folle, quoi. Les gens attendaient vraiment la soirée. Et il y avait un super système son Function One avec avec vraiment tout l'équipement pour passer une super soirée, et les gens étaient vraiment chauds, quoi. Il y avait du sourire, il y avait plein, c'était que des bonnes vibes, quoi. Donc c'est des moments où tu ressors quand t'as mixé, justement, c'est les meilleurs moments qu'on passe, quoi. Voilà, après c'est vrai que parfois moi je préfère presque les petits lieux aux grands endroits, parce qu'on est plus proche en fait des gens. C'est plus intime, quoi. Ouais, tu ressens plus. Bah, disons que quand il y a un track qui marche, tu le vis plus avec les gens qui sont devant toi, qui sont collés. Donc en général, j'aime bien les petits. Après, bon, voilà, j'aime bien tout. L'année dernière, j'avais fait Hypnotic Festival. Il y avait la nouvelle édition il y a une semaine. Ouais. Ça restait une super scène, un super moment, parce que voilà, t'en prends plein les yeux, c'est top. Mais c'est vrai qu'après, en mixant, j'aime bien les petits lieux. Ouais. J'aime bien les petits lieux. Très bien. Plusieurs tracks à ton actif, sortis sur différents labels comme Banzai Records, Nashton Records, Blue Light Jungle Records. Blue Night. Comment? Blue Night. Blue Night. Jungle. Excuse-moi. Dont un hommage au livre de Laurent Garnier, sorti en 2017 sous, ouais, ton propre album, sous ton propre label. Gibis Records, ouais. Tu peux nous en parler? Une histoire un petit peu longue, du coup je sais que je pourrais pas tout raconter, mais c'était à la base, c'est un vieux morceau que j'ai fait un peu par hasard, et voilà, j'osais pas l'envoyer à Laurent Garnier, donc je lui ai envoyé, c'était après avoir lu son livre Electrochoc. Voilà, c'est un livre qui m'avait amené plein d'images, et après j'étais en studio, j'ai fait un son qui est sorti en 4 heures comme ça d'un coup. Et du coup, j'ai pas osé l'envoyer, donc il est resté au fond de l'ordi pendant, je sais pas, un an et demi. Et après, je l'ai envoyé à Laurent Garnier, j'ai réussi à avoir son mail par son agent et tout. Il m'a répondu, il l'avait joué dans son émission de radio. Et j'ai eu plein de gens qui l'ont aimé, qui m'ont envoyé des messages. Et c'était compliqué pour le sortir, en fait, parce que les labels, bon, les labels, c'est quand même aussi compliqué parfois sur des projets un peu single, comme ça et tout. Donc, en fait, j'ai dit, bah, je vais sortir tout seul. Et j'avais mon copain Nicolas Hérinx qui a voulu faire le clip. Et donc, c'était l'occasion de lancer mon label en me disant, bah voilà, je vais faire une petite plateforme où je pourrais sortir des choses plus originales. Donc voilà, c'est un label sur lequel je continue. À chaque fois, il y a une histoire, en fait. Le principe du label, c'est qu'à chaque fois, il y a une histoire. J'ai choisi un format de single, single avec un clip à chaque fois. C'est vrai que dans la techno, il y a beaucoup plus de formats EP ou album. Donc du coup, le format single, je trouvais ça bien. Voilà, une histoire, quelque chose de clair, de direct. Et souvent, c'est des morceaux qui sont un peu plus musicaux, plus mélodieux. Pas forcément des morceaux pour les DJ. Donc voilà, j'ai fait une deuxième sortie au mois de juin qui était un petit peu en hommage à la ville de Lyon et à Tapage Nocturne. Tout ce ressenti sur la scène lyonnaise. Qui s'appelle comment ? Et qui s'appelait Under the City Feelings. Ok. Voilà, et qui a été relayé par le média d'Urvic, un média parisien. Et là, je prépare la sortie du troisième morceau qui s'appelle Reborn, qui parle d'une histoire un peu plus personnelle, parce que j'ai vécu des choses un peu incroyables au niveau personnel en 2014. Mmh. Et comme une renaissance, là, voilà, donc d'où le titre. Et donc là, à nouveau, un clip avec Valentin Lecaille, c'est toi qui a réalisé le clip. Et on va sortir ça avant la fin de l'année. Voilà. Et il y a encore d'autres projets qui arrivent. Je travaille avec une danseuse sur un projet avec la danse. On mélangeait la danse et la musique. Et voilà, j'ai pas mal de choses qui vont arriver sur ce label. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut aller voir tout ça? Alors, une chaîne Facebook. En fait, le label, comme c'est un label entre guillemets personnel, je l'ai rattaché à ma page. Donc, sur la page Gbis, le SoundCloud Gbis, vous pouvez aller écouter. Et pour acheter, c'est sur Bandcamp. Donc bandcamp.com/gbis. Et donc vous pouvez acheter les morceaux là pour soutenir. Très bien. Voilà. Du coup, prochainement, où est-ce qu'on peut aller t'écouter, aller te voir, les prochaines dates que vous allez organiser Alors bah là, il y a une très grosse date. En plus, on est très fiers avec Tapage Nocturne. On va recevoir Ben Clock vendredi 19 octobre au Petit Salon à Lyon. Donc c'est la première fois qu'on fait venir vraiment une grosse légende de la techno dans une soirée Tapage Nocturne. On va dire que c'est le plus gros c'est le plus gros guest qu'on aura fait. Et donc je ferai 4 heures de set découpées. Je vais faire 2 heures de warm-up et 2 heures de closing. D'accord. Donc on va faire ça va être un beau, tu vas bien beau, pouvoir t'exprimer quoi. Exactement. Voilà, c'est un bel événement. Je suis très très fier de jouer avec Ben Clock. Et la semaine d'après, je serai à la Machine du Moulin Rouge à Paris, où on a une soirée avec Ro. Et donc, il y a un plateau avec CG Boland, 9999, avec 747, avec pas mal d'artistes, un peu de la scène rave, techno. Mm. Et donc, voilà, je serai également à la Machine du Moulin Rouge. Ça, c'est le samedi 27 octobre. Ok. Voilà, pour les deux prochaines soirées. Alors, à vos dates. Exactement. On va demander une petite intervention de une petite voix féminine dans ce côté un peu masculin de la techno. Peggy, on te laisse présenter ta petite chronique. Alors, petite interview de fin d'interview vraiment importante. Ça va être un petit questionnaire, 10 questions, 2 choix possibles. D'accord. Ok. Une seule réponse, du tac au tac. On y va, c'est très rapide. Okay. Hypnotique ou nuit sonore? Nuit sonore. Lyon ou Madrid? Ah bah Lyon. Lyon. Vinyle ou CD? Je vais dire CD malheureusement parce que j'ai appris à mixer tout départ en vinyle. Mais après c'est le format CD que j'ai le plus utilisé. Donc je vais dire CD. Back to back ou solo? Back to back, on peut beaucoup rigoler. Mais je vais dire plus solo pour faire un vrai message, je veux dire plus solo. Ouais. Film ou série? Film. Série, c'est trop addictif. House ou techno? Techno. Transbo ou Al Tony Garnier? Bah Al Tony Garnier, j'ai jamais fait malheureusement de concert là-bas, donc Transbo. Burger ou sushi? Ah, c'est mon côté asiatique qui ressort, je veux dire sushi. Laurent Garnier ou Daft Punk? Laurent Garnier, puisque j'ai fait un hommage à son livre. mais c'était une belle rencontre aussi. Ok, et la dernière, blonde ou brune? Ah, brune. Non, on non. parle de bière, bon, bien sûr. On parlait de bière. Bah, ah, non, merci Tubis. Oui, merci en tout cas pour cette belle interview. On a appris vraiment plein de choses. Encore une fois, merci d'être venu nous voir. Très bonne continuation pour ton label. Nous, on a encore deux, trois petites informations à vous fournir, notamment la soirée que Convergence organise. Dis-moi, Randy, quelques détails. Quelques détails. Donc, rappelez effectivement la soirée du vendredi 16 novembre qui aura lieu au Bellona Club. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bellona Club, donc la péniche qui se situe au sud de Lyon, au sud de la Presqu'île, à côté du musée des Confluences. Donc Joyce Muniz, DJ brésilienne qui aujourd'hui vit en Autriche, qui nous fera l'honneur de sa présence, accompagnée donc d'un back-to-back entre Lewis La Stella et moi-même. Et puis également de Monsieur John Rod qui est dans les studios mais qui ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui. Il préfère ouvrir les bières, hein. Chacun son truc. Donc ouais, une soirée plutôt sympathique, on vous encourage à venir. Vous avez également, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur le Facebook de Convergence, et prendre des préventes également sur WizEvent. Voilà, donc une belle soirée qui s'annonce, on compte sur vous. Et puis, à toi. Et puis, voilà, le mot de la fin, merci. La fin. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci à toi Jibis d'être venu. On rappelle ta page nocturne, toute ta belle actualité qui arrive très bientôt, les guests avec lesquels tu as la chance de mixer, et ton univers de titres et de clips aussi, c'est suffisamment rare pour le souligner d'avoir un univers artistique qui est plutôt exigeant. On se quitte avec un de tes titres qui sortira très prochainement. Et dans l'attente, on vous souhaite un excellent week-end. Et on se dit à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci, salut, salut! 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.